Cajus. Gang. La drogue a fait des ravages juste pour des sous. Et Pablo Escobar n'était pas déçu. Igo, tout ce qu'on veut c'est péter la fortune. Le temps c'est de l'argent, j'irai toujours partir. Les tchaïs se cachent pour nous péter en flagueux. 4 blancs tout pâle dans le 3-8, les vagueux. Ouais les gars, va y a du Jean-Jean à se faire. Si je pète une somme, j'aurai le sourire du joker. Le maille, balsac, inter. Get, get, s'il faut, ils te retrouveront à terre. Go fast, leur coupé, canne en l'air. Torpille sur le deux roues, les vents, ils comme jamais. A ma gauche et ma droite, y'a Ismax et Tirac. Surveille du Real. Père de Air Max, tu rêves de percer, tu donnes tous tes moyens, même avec tes moyens, t'as aucune qualité, tu me dis t'es une teuté, ouais dans ta cité, arrivé là-bas, personne te connaît, 4PGANG, ouais on vient tout niquer, même les gens de ta cité, nous ont validé, casse-dette à torse-back, Balti, peiné, paire de lunettes, cheveux, loxé, voici maintenant, deuxième bourbé, Natox et Simso, prêt à rafaler, t'as pris la grosse tête comme le Grana Junior, puisque je veux pas te voir, c'est la famille d'abord, Jacola au micro, je mets tout le monde d'accord, toujours un vas-y. Pas tous mes records. J'allume mon bigot et le rinté est open. Je recharge la sepulpe puis je récupère l'illicite. Il sert les glycos, faire un masque bénéf. Du zéo, ouais y'a ça à faire. Encaisser, encaisser sans se faire rodin. Rentre pas dans ma zone si tu ne portes pas tes couilles. Tu j'ai char tapé mais tu craches pas les couilles. Spray pour des durs mais consomme la drogue douce. Les tirs une soufflette, le poteau rien qu'il tousse. La fumée t'est montée, la dalle a vu fou. Ça te monte au vos serres, tu crois dans une partout. Petit verre de polia, ta peste de vers Moscou. C'est le bourbier 2.Z2RO, le D, la V et O, micro, j't'artille ici dans un micro, je me compare pas aux autres car je suis déclassé. Ida, Loka, dans les locaux, des autres, ghetto, Kakeja, NJ, c'est mon gang et on t'explose la pastèque. Pas sur la cité, autant que tes parents. Comme Jida Junior, on est bourré talent. Y'a Ismax et Natox qui détaille dans le salon. Solo sur le pompe et tire lui dans la tête. En cas de bourbier, j'appuie sur la gâchette. Un feat avec eux, ça serait du gâchis. Y'a tout dans nos blocs. Taga, shit, ta tête dans le viseur. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Tu fais le malin, ta fouille dans un caddie. Ces bâtards sont jamais rentrés au comico. Donc dis-moi pourquoi ils parlent de l'OPJ. Se met les keufs, ouais, ça c'est bon, j'ai pigé. Au taf, les bagues, tout ça pour les piéger. Chez nous, la CC est plus blanche que la neige. La pure de chez vous, c'est trop du léger. Bourbé 2.0, on arrive, on s'impose. On contrôle le réseau quand Pablo et Tiapo posé dans le bendo avec mes rebeux négros. Un bourbé gros, c'est qui bande les soirs, on arrose. La clique dans Techness. En whisky, en visque, sans mortier, en 2-2, on caille à son bébé. Le tarot, c'est tarot, négocie tes paros. Ouais, la bine est paro, supé par on t'arrose. On se pas 20 dans ta tête, regarde mal, on déclenche. Chez toi, c'est chez moi, bah les couilles, que t'en penses. Sur le net, ça aboie, mais en face, à bigueur. Il déclenche une bataille et maintenant, il craigne la guerre. Ouais, chez nous, c'est carré, les keufs, eux tourneront. Mais chacun a son taré, vite ta mère pour rien. Moi, ce que je veux, c'est millions, prends des mètres, ça me dit rien. Charbonné, charbonné, ouais, c'est ça quotidien. Bourbé 2.0, bourbé 2.0, y'a rien, j'abérais ta vis, la tête des vaisseaux. Batman à la fuite, ils font tous les héros. C'est ces shit peu, tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Bourbé 2.0, bourbé 2.0. Y'a rien, j'abérais ta vis, la tête des vaisseaux. Batman à la fuite, ils font tous les héros. C'est ces shit peu, tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo. Tout se passe dans le bendo, tout se passe dans le bendo, tout se passe dans le bendo.